Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans La Boîte à Gants, la sixième émission de La Boîte à Gants. La semaine dernière, on était avec le crew déjà de La Boîte à Gants. On a parlé rock, des débuts du rock. Aujourd'hui, on est toujours ensemble et on va parler de quelque chose de complètement différent. Mais pour ça, d'abord, je veux vous représenter qui sont les membres de La Boîte à Gants et on va dire bonjour à Oscar, ça va ? Salut, nickel. Ça va toujours bien depuis tout à l'heure ? Ouais, depuis tout à l'heure. Nickel. Très très bien. Bichente juste à côté. Eh bien salut Mathilde. Ça va toujours bien toi ? Ouais, impeccable. Toujours. Prêt pour cette deuxième émission d'affilée pour nous ? Prêt. Très bien. Et pour finir, je finis avec toi Seb, parce qu'aujourd'hui c'est toi qui as un peu préparé cette émission. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Et donc c'est toi qui as choisi le thème du jour qui est... L'art en famille. L'art en famille. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu voulais dire par là ? Eh bien, j'ai envie de parler de ces familles qui sont composées de plusieurs artistes et de ce qu'ils font déjà individuellement, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est les interconnexions qu'il y a entre les membres de la famille et ce qu'ils s'apportent les uns les autres dans leurs projets communs. Et voilà. Aujourd'hui, on va parler des... De la famille Chédid. De la famille Chédid. Alors, le plus connu étant Louis Chédid et M, évidemment. Mathieu Chédid. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Et tu m'as montré tout à l'heure, ça fait quand même un sacré paquet de personnes. Ouais, je ne m'attendais pas à tant. Je savais qu'il y avait de quoi dire, mais autant, je ne m'y attendais pas. C'est donc la sixième émission de La Boîte à Gants. Je vous rappelle que si jamais vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à radionoculture@gmail.com et retrouver toutes nos émissions sur radionoculture.wordpress.com. Mais aujourd'hui, on parle de la famille Chédid, c'est parti. La famille Chédid, donc une grande histoire d'amour avec l'art, avec la musique, mais pas seulement. Eh non, pas que la musique. On va commencer par le plus vieux, je vais dire, le patriarche. Ah, c'est la matriarche. Même. C'est la matriarche, pardon. Eh, parce qu'on va commencer, bon, tout le monde connaît M, évidemment, Mathieu Chédid. Oui. Mais avant ça, on connaissait son père, Louis Chédid. Mm-hmm. Mais encore avant ça, il y avait la mère de Louis Chédid, André Chédid, qui a beaucoup inspiré et aidé dans les compositions de textes Mathieu. Oui. Et c'était une grande dame. Et il y a de quoi dire, quoi. Elle a engendré une famille, franchement... assez impressionnante et très prolifique dans le milieu de l'art, quoi. Alors André Chédid est né en 1920 au Caire en Égypte et bon, elle est décédée en février 2011 à Paris. Et c'est une femme de lettres et poétesse française d'origine syro-libanaise. Parce qu'elle, du coup, elle était déjà connue à l'époque pour son œuvre. Oui. Mais en tant que... Qu'écrivaine, poète. Que poétesse, d'accord. Voilà. Elle a écrit son premier roman en 1952 et écrit des nouvelles, des poèmes, des pièces de théâtre, des romans et de la littérature jeunesse. D'accord. Et elle est mariée avec Louis Selim Chédid, qui est d'origine libanaise aussi, qui était un ancien directeur de recherche au CNRS et un professeur honoraire de l'Institut Pasteur. Classe. Et ensemble, ils ont écrit deux œuvres, Le cœur demeure et Babel. Déjà, elle commençait bien, quoi. Ouais, ouais. En 1946, elle et son mari s'installent à Paris, définitivement. Et elle décide d'adopter définitivement la langue française dans laquelle elle publiera le reste de son œuvre, passionnée du dictionnaire, où elle avouera aimer se perdre d'un mot à l'autre, d'un monde à l'autre, d'une notion à l'autre, tel que dans un voyage. C'est beau, voilà. Ça. C'est beau, hein. Parce qu'avant ça, elle n'écrit pas qu'en français. Non, elle a écrit son premier roman, je crois. Un recueil de poèmes. Recueil de poèmes. C'était écrit en anglais. D'accord. Voilà. Et donc, c'est la mère de Louis Chédid, mais aussi de Michel Chédid. Donc le frère, la sœur. Le frère et la sœur, voilà. La grand-mère de Mathieu Chédid, qu'on connaît sous le nom de M, mais aussi la grand-mère de Émilie Chédid, Anna Chédid et Joseph Chédid, qui sont tous artistes, et la grand-mère aussi d'une cousine de M et de Anna, Joseph et Émilie, qui s'appelle Beryl. Voilà. D'accord. Et tous ensemble, vous allez voir que les uns les autres, malgré leurs différents arts à chacun, ils vont... travailler ensemble et faire des choses ensemble dans les projets de chacun. Ok. Voilà. Pour finir avec André Chédid, durant sa longue carrière, elle publiera rien que 28 recueils de poésie, 19 romans, 9 recueils de nouvelles, 7 pièces de théâtre et enfin 13 récits, essais et autres ouvrages. Ah oui, quand même. Voilà, elle recevra... On n'a pas chômé, quoi. Non. Elle recevra 7 prix, dont 2 Goncourt pour poésie et nouvelles, et 2 distinctions, dont entre autres, elle sera ordonnée grand officier de la Légion d'honneur le 12 avril 2009. 2009 ? Sous Sarkozy, donc. Oui, peut-être. Voilà. Qui va s'empêcher de foutre la politique partout. Donc, tu vois, déjà... Tu vois que juste avec la grand-mère André Chédid, il y a du level, quoi. Ouais. D'accord, ouais, ok. Gros bagage, quoi. Ouais, c'est pas mal. Là, je vais commencer par sa... Je vais faire ça chronologiquement, en fait, par sa fille aînée. D'accord. Michèle Chédid, mariée avec Jean-Luc Colz. Donc, elle sera surtout nommée Michèle Chédid Colz. Elle est née en 1945 à Beyrouth, au Liban. Mm-hmm. Et elle, c'est une artiste peintre française dont apparemment bon nombre de collections privées possèdent ses œuvres. Ok. Voilà. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur elle. Voilà. Hormis que elle s'est souvent inspirée de l'art européen, en particulier de la peinture du 16e et du 19e siècle. Mmh. Pardon. Et à partir de 2001 et d'un voyage en Chine, elle entreprend pour la première fois la peinture de paysages et consacre différentes expositions à la montagne Huangshan. Voilà. En Chine, j'imagine ? Bah oui, en Chine, oui. Voilà. Et de 83 à 2013, elle participera individuellement ou collectivement à 13 expositions. Ok. Ce qui est plutôt pas mal, d'accord. C'est pas mal, mais c'est pas très radiophonique pour l'instant. C'est ça le problème, quoi. Ah bah oui, mais attendez. Non, on va y arriver. Pour le coup, après, j'imagine qu'on peut voir facilement ses œuvres sur Google ou Google Images, tout ça. Oui, quoi. Oui. Ça se retrouve. Oui, ça se retrouve, bon, complètement. Bah, allez-y, alors. Complètement. Et là, bah, du coup, je vais vous parler... De son frère. De Louis, du coup. De Louis Chédid, voilà, c'est ça. Et du coup, qu'on connaît tous comme un artiste, auteur, compositeur, interprète, écrivain et réalisateur français. Elle est réalisateur aussi. Il est aussi réalisateur, d'accord. Ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, voilà. Lui, il est né en 48 à Ismaili, en Égypte. Il est aussi d'origine libanaise, par ses parents, voilà. Et c'est le papa, donc... d'Émilie, Mathieu, qu'on connaît sous le nom de M, de Joseph et d'Anna. Oui, je vais répéter souvent les prénoms pour que vous fassiez les connexions. Bah, ça fait beaucoup de personnes, quoi. Mmh. Bah, c'est ça, ça c'est fait vrai. Du monde. Mais du monde qui va s'interconnecter, et c'est pour ça que je répète les noms. Voilà. Donc voilà, Louis, avant de devenir l'auteur, compositeur, interprète que l'on connaît, il a commencé d'abord par le cinéma. Avec des études à Bruxelles pour devenir réalisateur, il reviendra à Paris où il réalisera des documentaires de 70 à 73. Okay. En parallèle, en 72, il sortira son premier album chez Barclay. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ouais, Barclay, ouais, ouais. Eddie Barclay, voilà. Donc lui, il est chanteur, guitariste. Il est, non, là, il est carrément auteur, compositeur, interprète. Il fait son premier album, quoi. Voilà. Barclay, c'est pas les Nuits Blanches Bah, c'est Eddie Barclay, c'est... Ouais. C'est pas lui qui faisait les Nuits Blanches Oui, et puis c'est Fête et tout ça, en fait. Ouais, les fameuses Nuits Blanches à Saint-Tropez. Ah, je sais pas. Je crois que c'est Eddie Barclay, oui. Ouais, je crois bien que c'est ça, je connais pas du tout ça. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Bon, donc, il sort son premier album, donc il aura un succès d'estime. C'est pas vraiment là qui va percer. Le succès populaire viendra avec son quatrième album et le morceau « T'as beau pas être beau », sorti en 1978 chez CBS, et son single éponyme dans lequel les chœurs sont assurés par ses enfants, Émilie et Mathieu. Je vous laisse écouter. Déjà, c'est quelle année, ça, du coup ? C'est en 78. 78, donc ils sont quand même son gamin, Mathieu et Émilie. Mathieu et Émilie, ouais. Ils sont petits, du coup. J'ai 10 ans, une dizaine d'années. Ouais, mais même pas tout à fait, quoi. Par là. Bon, ouais. On va écouter ça. Donc 78, ça fait un an après la sortie de l'album Nevermind the Bollocks. The Sex Pistols. Si je me trompe pas. Je suis carrément désolé de te contredire, mais justement, 78, c'est l'année où Nevermind the Bollocks est sorti. Et alors, Émilie a 8 ans et Mathieu Chid, 7 ans. Regardez qu'il se réveille au moment. Dès qu'on parle de ces pistoles, il se réveille, quoi. C'est fou. Hein. On écoute Louis Chédid, du coup, avec T'as beau pas être beau. Il y a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre beefsteak, la petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Oh, y a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume. T'as beau pas être beau. Oh, oh, oh, oh. nom de cinglé. Hey, hey, hey. J't'ai dans la peau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Y'en a qui dégainent leurs pétards pour une poignée de dollars. Y'a des bombas et des bombages qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le gros Idi Amin Dada. Du sang à la une des gazettes, pauvre planète. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh, oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, oh, oh, oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Faut dire qu'il y a quand même des mecs qu'on dit soleil j'ai, dans la tête j'ai, sur ma planète j'ai, des mecs qui pensent pas j'ai, que c'est chacun pour soi j'ai, qui se tendent les bras j'ai, sur ma terre à moi j'ai, t'as beau pas être beau. J't'ai dans la peau, oh, oh, oh, oh. J't'aime, t'aime, t'aime. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, oh, oh. J't'aime, t'aime, t'aime. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh. Monde cinglé, hey, hey. T'as beau pas être beau de Louis Chédid, donc qui est le père de Mathieu et Émilie, qu'on entend aussi dans la chanson, c'est bien ça Seb ? C'est ça. Qui font donc les chœurs et que c'est une chanson que je connaissais sans savoir que c'était lui. Ah, ben encore voilà, une fois. Encore une. Décidément. Et donc là on est en 78. 78, garçon en 78, ça vous évoque quelque chose peut-être? Ça suffit le punk. À fond. C'est pas juste un an avant que la Poya se forme. Et donc là c'est le quatrième album de Lou Chédid, donc le père on va dire. C'est ça, est-ce que vous avez entendu les influences qu'on retrouve chez M du coup? Bah oui, mais carrément, je trouve qu'on sent bien que M a été influencé par tout ce qu'il a connu quand il était... Il est pas très loin, tombé très loin de l'arbre. Non mais c'est exactement, c'est, moi ça fait penser vraiment à ce qui... Alors en plus, bien sûr il a fait quelque chose de plus moderne parce que c'est pas la même époque mais... Et plus personnel aussi, c'est pas la même personnalité. Plus extrême en fait. J'ai l'impression de vraiment entendre M, mais il manquait plus qu'il crie un petit peu et qu'il fasse un peu des caisses, ça donne du M quoi. Oui, ou ouais. Le style rock qui caractérise M, mais voilà, ouais. Mettant tout ça de côté, voilà, on comprend très bien de où il est sorti, parce qu'il y a les jeux de mots, il y a la texture dans le langage, la façon de faire, qui forcément... Ouais. Mais après Seb, je connais moins du coup son père, mais est-ce que il a fait comme M, se créer tout un personnage autour, comme M a pu le faire avec sa coiffure, non. Tout ça. Non, il est resté Louis Chédid, pardon, ouais. Tout le long. Il y a vraiment que M dans la famille Chédid qui s'est créé un personnage. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure quand je parlerai de M. Après c'est mon époque, c'est quoi ça, c'est avant David Bowie, non c'est... Non, c'est l'époque David Bowie, c'est au moins 77. Ouais, David Bowie, ça faisait déjà bien 15... Oui. Non, pas 15 ans, non. Pas 15 ans, n'exagère pas. Ouais, sûr, 78. Là, on est en 78, non, 78. Ouais, remarque. Et bien, 5. Hein. Ouais, oui, si. Il est arrivé en quelle année, Bowie? 69, 60, ouais, 60. Google Edenon. Ouais, mais là, il n'avait pas encore tous ses personnages, ses déguisements, etc. C'est ça que je veux dire. Ziggy Stardust, c'est... Si, il y avait déjà... 75, 70... 16 par là. Ziggy Stardust, ouais, j'aurais dit que c'était c'est avant le punk, hein, donc. Oui, d'accord, mais c'est pas 20 ans avant. Non, c'est juste avant. Non, c'est pas 20 ans avant. Bon, j'en parle tout à l'heure, mais effectivement, M est inspiré de ça aussi pour son, la création de son personnage de M, justement. Mmh. Oui, voilà. Mais là, on est à Lou Chédid, son quatrième album. Oui, mais petite question, déjà, il était reconnu pour le public, donc c'était un auteur à succès ou c'est passé comme ça, tranquille? Alors, le premier album a eu un petit succès d'estime, comme je disais. Après, il a fait des... J'ai condensé, parce qu'il y a, en fait, Louis Chélid a une énorme carrière. Il a été connu parce qu'il a aussi participé à des émissions, ceci, cela, voilà. Et vraiment, ce qu'il a fait connaître en tant qu'artiste, compositeur, interprète, c'est avec cet album qui est, et cette chanson. Qui est, d'ailleurs, l'album est éponyme, hein, il s'appelle aussi « T'as beau pas être beau ». Et c'est là, vraiment, qu'il a touché le grand public, quoi. Okay. Voilà. Et bon, je vais pas vous dépeindre sa carrière prolifique en détail parce que sinon il me faudrait deux émissions vraiment. Mm-hmm. Mais pour vous la faire en gros, Louis Chédid, c'est à ce jour 22 albums studio, 2 albums live, 5 compositions de musique de film et 4 livres. Ok. Voilà. Et en 2015, avec sa famille, donc, il s'est produit sur scène donc avec Louis, Mathieu, Joseph et Anna. Et ça a été 30 dates en France, 8 Olympia et les plus grands festivals, des nuits de Fourvière au Francophonie de Montréal et un concert exceptionnel à l'Opéra Garnier filmé par Émilie Chédid et disponible sur Netflix si vous voulez le voir. Voilà. Alors, Émilie Chédid qui est sa fille. Et j'y viens parce que c'est la suivante. Je voulais juste finir sur ce concert en famille parce qu'ils jouent tous les instruments. Mmh. Et chantent ensemble ou séparément les chansons des uns des autres. En fait, ils se sont amusés à reprendre toutes leurs chansons, voilà, mais en intervertissant les rôles, quoi. Par exemple, Louis va chanter des chansons de M, Anna va chanter des chansons de Louis. On a quelle année là ? Là, 2015. Ah, 2015. 2015, alors, voilà. On a fait un grand pas en avant. Ouais, c'est assez récent. Voilà, mais je vous ai fait. En fait, je fais des petits liens pour vous montrer comment ils interviennent chacun les uns avec les autres. Et là, on passe à sa fille aînée, donc du coup, Émilie Chélid. Et qui est réalisatrice de documentaires, de captations de concerts, de publicités et de clips. Elle est aussi scénariste et illustratrice, et elle supervise aussi la direction artistique de scénographie, de spectacles, sites web et artwork de disques. Oh, le mot, il a eu du mal à sortir celui-là, artwork. Oui. Voilà. Donc c'est sa fille aînée qui est née en 70, et c'est aussi la petite fille du coup de André Chélid. Mmh. Voilà. Elle a réalisé son premier film à 18 ans. Ok. Voilà, déjà, bon. Oui, ce qui est tôt. Voilà. De 90 à 2018, elle réalise 32 clips, dont 6 pour son frère Mathieu, M, 1 pour son frère Joseph et 1 pour la famille Chédid. Donc, en gros, elle suit la famille Chédid, ses frères et sœurs et parents, et elle en réalise des trucs, quoi. Parce que j'imagine que tu vas revenir après, mais le Joseph en question a aussi une carrière solo dans la musique. Yavol. En fait, je vous le fais dans l'ordre. D'ailleurs, il y a eu Émilie, après il y a Mathieu, après il y a Joseph et après il y a Anna. D'accord. Donc là, on est avec Émilie. Ok. Et je vous les présente tous, en fait, et ce qu'ils ont fait et leur carrière prolifique. Parce que franchement, chacun, je ne m'attendais pas à ça, chacun... ils n'ont pas chômé, quoi. Voilà. Pour vous donner d'autres exemples, elle a réalisé entre autres des clips pour Moussé Hakim, vous connaissez, de Zedda peut-être, ouais, voilà. Ouais. De Trio aussi, de Elodie Frégé, entre autres, quoi. Voilà. Émilie Chélid, c'est 6 DVD, dont 3 pour Mathieu et 1 pour la famille Chélid. 2 captations de concerts, un pour la tournée de M, nommée la tournée de M, et l'autre pour la famille Chédid à l'Opéra Garnier. 12 documentaires, dont 3 pour Mathieu, sur Mathieu et sur Louis. 9 publicités teasers, et j'en passe. Et 3 distinctions. Ah oui, parce que dans la famille Chédid aussi, les distinctions, ça y va. Elle a une victoire de la musique pour le meilleur DVD musical pour les leçons de musique de M. Okay. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce DVD. Pas du tout. C'est vachement intéressant. Moi, je l'avais vu, je l'avais acheté et vu. C'est M. Je vais en parler aussi quand je parlerai de M, qui a montré comment il a composé ses morceaux. Il fait des leçons de musique, quoi, vraiment. Et mais vraiment ludique. C'est une espèce de making of de composition. Quoi, ouais, voilà. Mais très ludique, très sympa. Enfin, en version M, quoi. Il a l'air vachement accessible. Et, voilà. Elle a un prix de la Bibliothèque de Paris, prix du public et meilleur documentaire, et elle a aussi un souvenir de Galdon pour le prix du meilleur film tourné en moins et monté en moins de 24 heures. Bon. Attends, tourné et monté ? Voilà, tourné et monté en 24 heures. Ça serait intéressant, ça. Voilà, donc tu vois le level, quoi. Voilà. Et là, on va passer à Mathieu Chédid. La star. La star, la restar. M. Ouais, je t'ai vu, M. Alors. Pourquoi ? quoi cet accent? Alors là, ben, évidemment, ça a été le plus prolifique de la famille Chédid, donc il y a de quoi dire. Ça a été le plus prolifique vraiment ou c'est celui qui a fait le plus de choses connues? Ah non, non, mais dans tout. Connu, mais prolifique. Ouais, c'est impressionnant. Je me rends pas compte de, c'est impressionnant. De la masse. Je me rends compte de. Il y a plein de choses que je connais de lui, mais je me rends pas compte de la masse globale. Parce que c'est vrai que j'écoute pas forcément de bout en bout. Quand ça tombe la radio. Voilà, ça tombe où il y a des gens qui aiment bien, donc qui me mettent une chanson par-ci par-là, mais j'ai jamais écouté toute sa discographie de bout en bout. Alors en fait, il y a sa discographie, mais il y a aussi ses projets collaboratifs. Oui. Il a fait aussi du cinéma, du théâtre. Enfin, voilà, il a fait des musiques de films. Enfin, il a été très prolifique. C'est impressionnant, quoi. Donc, c'est la plus grosse partie de mes recherches, quoi, parce que c'est une machine, quoi. Mais voilà. Et en même temps, j'imagine, on va en parler après, mais que le succès aidant, tu peux faire plus de projets avec plus de moyens, plus d'occasions, etc. Ouais, aussi, sûrement. Il y a aussi une autre chose qui est ressortie en faisant mes recherches, c'est ses connaissances, enfin, les gens qui côtoient ou quoi, qui, je pense, aussi ont amené ça. Ouais. Vous allez voir, parce que je vais en parler. Non. Donc, Mathieu Chédid, dit M, qui est un auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, s'il vous plaît, et guitariste français, qui est né en 71. Il joue principalement de la guitare sur scène, mais il est aussi en studio, il fait tous ses instruments, basse, guitare, piano, enfin tout, la totale. Okay. Il assure la quasi-totalité des différentes partitions, quoi. C'est fou. Il commence la musique très tôt, en 1978, parce qu'il fait les chœurs sur le morceau de son père, « T'as beau pas être beau ». Donc vous voyez encore, voilà, une des connexions que je fais depuis le début. Il démarre... Du coup, il a 7 ans quand il fait le... C'est ça. Il... Ouais. Voilà, il a 7 ans. Cool. Voilà, exactement. Après, ça m'étonne pas, hein, parce qu'on peut profiter des enfants. Ouais, c'est vrai. Tu es bien ici à côté du micro. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est le petit-fils d'André Chédid. Voilà, donc il n'arrêtera pas de dire qu'elle a inspiré. Et d'ailleurs, elle a participé à l'écriture de pas mal de ses textes pour ses albums. Est-ce que tu as lu un peu ses textes à André Chédid? Ce qu'elle a fait oui. En dehors de M, oui. Non. Non, je connais juste ce qu'elle a fait avec M et tout ça, parce que j'ai. Et pour savoir à quel point elle pourrait avoir une influence sur l'écriture, parce qu'on le disait tout à l'heure, le M ressemblait déjà à son père. Que ce soit dans l'écriture des morceaux, mais aussi des paroles, peut-être aussi que. Alors, là, évidemment, parce qu'elle a écrit, mais est-ce que déjà de base. En fait, il faut savoir qu'André Chédid, elle défendait l'humanisme. Elle défendait cette position d'être humain, de savoir s'écouter et tout ça. Et d'ailleurs, un de ses textes, elle a fait un de ses ouvrages, elle parle de la guerre qu'il y a eu au Liban, je crois. Et justement, elle défendait vraiment ça, l'humanisme. Et c'est ce qu'elle apporte aussi, parce que j'ai entendu dans les textes de M sur ses albums. Ce côté humain, cette interconnexion et comment dire, ouais, l'amour, la joie, le bonheur et tout ça, quoi. Voilà. Et franchement, je vous le dis, les gars, j'aurais aimé l'avoir comme grand-mère. Parce que franchement, elle avait l'air géniale, quoi. Bon, voilà. Année 90, c'est là où vraiment commencent les débuts de M. Il joue dans des petits groupes avec juste Julien Vouzy ou encore Pierre Souchon, les fils respectifs d'eux. Oui. Laurent Vouzy ou Alain Souchon. D'accord ? Bon, déjà, tu vois, le mec, il commence, il est bien aidé, quoi. Parmi ses amis d'enfance figurent Cyril Houplin, qui participe ensuite à la création de l'univers visuel du chanteur M et de la comédie musicale Le Soldat Rose. Est-ce que vous avez entendu parler de la comédie musicale Le Soldat Rose ? Alors, dans lequel M joue. Je me souviens de la chanson et c'est que plus tard que j'ai appris que c'était lui qui l'avait écrite. Ouais, mais il joue dedans aussi. Oui, parce que c'est vraiment une comédie musicale ouais. Mode acteur, tout ça. Complètement. Mais sur scène seulement. Ils ont pas fait de film. Enfin, ils ont capté le concert. Ils ont capté, voilà, c'est ouais. Ça. Mais voilà, c'est une comédie musicale. Par contre, je l'ai pas du tout vu. Je sais qu'il y avait une chanson qui tournait beaucoup. Ouais, oui. Si je ne me trompais pas, ils l'ont passé à la télé même. Ouais. À un moment donné, je l'ai vu. Je l'ai pas vu. En fait, je l'ai aperçu à un moment donné en faisant du shopping. C'est passé sur n'importe quelle chaîne, mais voilà, il y avait ça, avec des invités, avec un grand spectacle. Ça m'a rappelé d'ailleurs les Sgt. Pepper des Beatles, mais à sa façon M. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Oui, bah, le côté de soldat et le... Déjà le ça, il y avait des invités, donc des autres artistes français qui venaient chanter, voilà, faire le show. Peut-être qu'on peut un peu écouter, vite un peu comme les Enfoirés, ou... Le sol de la rose. on va faire semblant que Michel T n'a pas sorti cette vanne qui était pas folle, hein. Tu as tenté. Tu mets tout à côté depuis le début et c'est moi qui c'est moi qui ramasse pour tout le monde. Peut-être un petit extrait du sol de la rose, effectivement. Allez, vas-y. Garçon, tout, ouais. Garçon n'aime pas ma couleur de danseuse. Et les filles disent bois devant ma mitrailleuse. Bienvenue, mon petit gars. Faut que je te dise quelque chose. On m'appelle le soldat rose. On m'appelle le soldat. Le soldat rose. Je me névrose. Manquinose. Ma sclérose. Quelle psychose. Tout n'est pas vraiment rose dans la vie d'un soldat. Soldat rose. Donc voilà un petit extrait du Sol d'Arrache que je vais laisser en fond. Mmh. Mais donc du coup ça c'est Mathieu Chédid, donc M, qui a écrit la comédie musicale, donc composé j'imagine, et écrit les paroles. Voilà, c'est ça. Et il a joué aussi dedans. Et il joue dedans. C'est lui qui joue le Sol d'Arrache, d'ailleurs. Évidemment. Voilà. Je continue du coup de vous le présenter. Sa carrière de musicien lui a fait rencontrer les artistes les plus divers, aussi bien sur scène que sur des albums, comme NTM. Trio, Sinclair, Billy the Kick. Je sais pas si vous vous rappelez de Billy the Kick. Pas. Mangez-moi. Ah, c'était eux ça. D'accord. Mangez-moi. J'ai oublié que c'était un vrai groupe ce truc-là et pas juste une pub. Voilà. Aussi Gérald de Palmas, Vanessa Paradis, Faudel, Arthur H, Brigitte Fontaine. et puis récemment Deluxe ou Romeo Elvis. Voilà. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Ouais, juste un petit. J'ai vu Mathieu Chédid, donc M avec Johnny Hallyday à Taratata. Ouais. En train de faire une grosse version de Jimi Hendrix, de ses chansons, tu vois, c'est, ouais, je trouvais ça intéressant. Et ben, je vais parler aussi de sa relation avec Johnny Hallyday plus tard, plus tard. Dans la continuité, okay. Voilà. Et là, on arrive à son premier album. En 96, il donne la naissance à un personnage qui préfigure M sur un titre de l'album Pagnac de Billy the Kick, intitulé M. Et là, on le découvre vraiment. Intitulé M, tu vois, le personnage ou l'album? Son personnage. Le personnage s'appelle voilà. Déjà M. Qui s'appelle Déjà M. Et là, on le découvre vraiment à la sortie de son tout premier album, Le Baptême, en 1997. Mm-hmm. Il introduit le personnage de M qu'il s'est créé avec une coupe de cheveux relevée en pointe sur les côtés et une mèche plaquée au milieu du front. Vous voyez toute laquelle, hein, voilà. La femme, M, du coup. La coupe de M, voilà. Le M, quoi. Mais moi, j'ai souvent ça quand je dors et que je suis bourré. Comme j'arrive pas bien à dormir, je me mets des deux côtés, ça me relève les deux côtés comme ça. Et ça me plaque sur le front et on dirait M au réveil. Exact, c'est la M, mon pote. Voilà. Du coup, il a créé un véritable double scénique, un peu à la manière de Ziggy Stardust pour David Bowie. On en parlait tout à l'heure. Il permet à Mathieu Chédid de se lâcher et d'exprimer son univers rempli de candeur. Assez vite, c'est par la scène qu'il s'impose, d'abord dans des petites salles, puis lors de premières parties comme celle de Charlie Couture. D'ailleurs, parlerai de Charlie Couture aussi dans cette thématique de l'art en famille. J'ai oublié qui c'est. Enfin, je sais que je connais, mais j'ai complètement oublié qui c'est Charlie Couture. Ah, ben t'inquiète pas, je t'en parlerai de ces quatre. Très bien. C'est prévu au programme. Très bien. Voilà. À cette époque, il joue souvent en solo et en duo avec le violoncelliste Vincent Segal, échantillonnant ses parties à la guitare. Si je vous dis, je vous parle de Vincent Segal. Attends, c'est le frère de Steven? Steven non, Seagal. C'est pas le frère de Steven Seagal. Ah, celle-là était bonne, je t'enlève pas. Du tout. Quand tu dis échantillonnant ses parties à guitare, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il se sert d'une pédale de sampler et il échantillonne ses parties. Il joue, je l'ai vu, alors, l'ayant vu en live deux fois, ouais. Pour ses premiers albums. Et à l'époque, il était donc avec Vincent Seagal à la contrebasse électrique ou à la basse, et avec Cyril Atef à la batterie. Mmh. Les deux ensemble d'ailleurs formaient le groupe Boomcello. Si je vous en parle, c'est parce que ça reviendra. Et Boomcello, c'est aussi pour vous donner matière à écouter quelque chose de très intéressant. Okay. Et ils étaient que trois sur scène. Et toutes ces parties de guitare que tu entends sur l'album, en fait, il te les reproduit en live parce qu'en fait, il les joue. Okay. Il s'enregistre avec sa pédale sampler, il la renvoie, il joue une autre partie de guitare dessus, ainsi de suite. Un looper, quoi. Il a un looper, voilà. C'est ça. Et qu'il maîtrise à merveille parce que sur les lives, c'est fantastique. Vraiment. C'est. Ça s'attire à 97. Ouais. Je pensais pas que le looper est aussi vieux que ça. Oh, si. Si, si, si. Pour les gens qui ne connaissent vraiment pas, c'est-à-dire que le looper, c'est une pédale. On appuie une fois, ça enregistre. On appuie une deuxième fois, ça arrête l'enregistrement. Et ce qu'on a enregistré, ça le joue en boucle. C'est ça. Et donc, à partir de là, on peut construire des chansons. On peut mettre autant de couches qu'on veut. Ouais. Couche par couche jusqu'à atterrir à ce qu'on veut. Voilà. Moi, je l'ai vu au début des années 2000. Ça devait être 2001, 2002. Et ils maîtrisaient ça parfaitement. Ils étaient à 3, ils mettaient un feu, mais comme s'ils étaient 4-5 sur scène. C'était vraiment impressionnant, quoi. Moi, le looper, j'ai vu un concert de Ibrahim Malouf où il utilise le looper. À trompette, du coup. Et surtout, il a fait surtout les instruments, en fait. Il crée toute sa chanson de A à Z et en live, et c'est génial. C'est maîtrisé, c'est génial. C'est fantastique. Ibrahim Malouf est connu comme trompettiste, mais sur ses concerts, il y a beaucoup d'électro, il y a pas mal de guitare. Sur celui que j'avais vu, il y avait pas mal de percus aussi. Et donc, il gère ça à la perfection. C'est vraiment génial à voir. Le problème étant souvent du looper, quand on est seul ou à peu près seul, c'est-à-dire que tous les morceaux ont forcément la même structure. C'est-à-dire qu'elles commencent toutes par une nappe, puis une seconde, puis une troisième, etc. Voilà. Et on ne peut malheureusement pas déroger à cette règle-là quand on utilise un looper. Mais j'imagine que pour le cas d'Ibrahim Malouf, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de gens derrière lui, peut-être que ça, c'était un peu atténué, quoi. Oui, voilà. Non, Ibrahim Malouf, franchement, c'était très bien fait. Mais après, le looper aussi, il me semble, Mathilde, qu'on avait vu un concert ensemble de... comment il s'appelle, le chanteur de... De Maurice Drummond. Oui. Et qui ça, oui. Et qui ça, qui utilise le looper... Et qui le maîtrise extrêmement bien. À la perfection aussi, on l'a vu au Gastetché à Loucho, les deux. Ah oui. Enfin, c'est une des seules fois où je l'ai vu. Je l'ai vu deux fois, je crois. Il est très impressionnant, seul avec un looper aussi. J'avais beaucoup aimé la maîtrise du looper qu'il avait. Et pour le coup, lui, il s'amuse vraiment de cette contrainte-là. Vraiment, il joue avec la pédale plutôt que juste à l'utiliser comme si c'était un mini studio où on enregistre. Et vraiment, il joue avec, il arrête, il recommence, il joue avec ses loops, et c'est vraiment très, très bien. Et qui sent comme ça, c'est vraiment très bien. Pour les gens qui maîtrisent, c'est le but, en fait. Tu fais pas que des parties copier-coller, c'est des nappes que tu fais. Donc, j'ai vu looper avec des gens qui s'insèrent bien, chanteuses, chanteurs, guitaristes, violoncellistes, peu importe l'instrument. Le but, c'est ça, de créer des nappes, des univers sonores, un sur l'autre, qui vont faire décrocher, en fait, la tête des gens qui écoutent. Voilà. Donc 97 déjà, un looper. Alors, je pense pas que c'était aussi vieux, je pensais que c'était une technologie un peu plus récente. Très très bien. Bah voilà, écoute. Alors du coup, cet album, Le Baptême, a été enregistré dans la maison de campagne familiale. Comme quoi, voilà, ça reste toujours en famille. Sa petite sœur Anna Chédid, alors âgée de 11 ans, a prêté sa voix pour le cœur de la chanson Nostalgie du Cool. Dans le clip de ce dernier morceau, Anna et Joseph Chédid, donc son frère et sa sœur, sont visibles devant la caméra dans une relation d'Emini Chédid, la grande sœur. Ça reste vraiment en famille, tu vois. Ouais. Et dans cet album, il est multi-instrumentiste dans des styles musicaux et des sons funk des années 90, inspirés de Sinclair. Vous connaissez Sinclair ? C'est celui qui faisait la Nouvelle Star ? Alors oui, il a pas tort. Je pensais que c'était une blague nulle. Non, du tout. Il a été jury de la Nouvelle Star. Il a été jury de la Nouvelle Star. Parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'il rentre des sous. Mais avant ça, il a fait des albums qui sont très funk, très funky. Il a inspiré du funk ou quoi. Bon, petite parenthèse au passage, son père est un grand ingénieur du son connu français. Et voilà, il a été inspiré par Sinclair, d'ailleurs avec qui il a joué aussi, Mathieu Chédid. L'album a connu un succès d'estime, celui-là, le premier, là, Le Baptême, mais ne s'est imposé véritablement qu'au bout de plusieurs mois après la sortie du single Machistador, dont le clip fut aussi réalisé par sa sœur Émilie. Et on va écouter d'ailleurs ce titre. Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Où elle était émotive en parlant de Jean-Yves. Un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Mais oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis. Beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Je suis un machistador. Et je crois qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas d'erreur. Oh machistador. je me brise au whisky glace. Mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade, pas beau quand j'ai trop bu. Berk. Point de vue image du monde à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus qui n'ont pas plus à dire que Raoul sur sa tire. Je suis un machiste, adore. Je crois qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas d'erreur. Machiste, adore. On t'a déjà fait le coup du demi-ton. D'approche, j'ai le mou membre en poche. Et d'un pas pragmatique, je pratique la drague. Mais ma poitrine est imberbe, il faut y remédier. Pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne, avec un long manteau, un chapeau, pas la peine. Même les jours difficiles, j'ai toujours les mots piles. Je suis un machiste, adore. Je sais qu'elle m'adore. Ça j'en suis sûr. Non, non, non, y'a pas d'erreur. Machiste, adore. Je suis lay à en faire vomir ma mère. Je suis macho, macho, machistador, macho, macho. J'adore. Yeah, macho, macho, machistador, macho, macho. Machistador de M, donc sorti en 97. C'est ça. C'est ça. Très funky, effectivement, comme je le disais en off. Ouais, très funky, avec une basse très très présente. C'est ça, bah, d'où l'influence de Sinclair. Si vous ne connaissez pas Sinclair, je vous invite à écouter ses premiers albums, là, c'était très funky. Justement, je ne connaissais pas, mais ça m'a surpris. Ouais. Mm-hmm. J'ai connu les registres M avec le rock'n'roll andrésien, donc... pentatonique, guitare vraiment bien poussée. Mm-hmm. Là, ça m'a surpris, vraiment. Ah, voilà. Et bien, il revient 2 ans plus tard, en 1999, avec l'album Jeudi M. Oui, celui-là, le fameux, vous connaissez, le fameux. Il me semble que c'est, ben, pour le coup, sa grand-mère qui lui a écrit cette ligne. Jeudi M. Je crois qu'elle lui a même écrit plus. Elle lui a écrit. Elle lui a... La chanson entière. Je suis pas sûr, mais il y a une chanson qui a été écrite par sa grand-mère. Alors, il me semble. Voir une interview où il raconte que c'est sa grand-mère qui lui a écrit une chanson. Alors, peut-être je me trompe, peut-être que t'as raison, c'est qu'une phrase, mais... Alors là, j'ai pas la ref, là. C'est peut-être la chanson entière, mais il me semble que cette phrase-là, je dis M, qui est quand même un petit peu l'emblème de M, il me semble qu'elle vient pas de lui, mais de sa grand-mère. Justement, il dit « Je suis M comme un emblème mais... ». Voilà. En plus. Et comme quoi, wow. Je l'avais en tête sans savoir, peut-être, en fait. D'ailleurs, j'ai pas exactement la référence là, mais je sais que sa grand-mère a participé à beaucoup à l'écriture de pas mal de ses chansons, mais laquelle exactement là je saurais pas vous dire. C'était sinon, on fait c'est plus une émission ou deux, c'est trois qu'il faut, parce que. Alors, cet album contient de nombreux succès que vous avez sûrement entendus, comme Jeudi M, Monde Sensuel, Monde Virtuel, Le Complexe du Complex. Moi, celle-là, j'adorais, il me faisait triper. Mama Sam ou Bonobo. Il a vendu plus de 500 000 exemplaires. Pas dégueu. C'est vraiment bien. C'est vraiment pas dégueu. Voilà, c'est vraiment bien. Putain, voilà. Ouais. Mais surtout pour un truc qui est 99. 99. Ouais. 99, c'est pas du tout le moment du rock, du funk, de la guitare en général. Et du coup, ouais, c'est d'autant plus impressionnant quand c'est pas du tout le style de cette époque-là. Ah, il a fait un vrai tabac à cette époque-là. Mais moi, c'est ce que j'aime chez M, c'est qu'il suit pas du tout le courant du moment. Il fait son truc. Il va toujours à contre-courant de tout le monde. Et puis ça fonctionne toujours. C'est-à-dire que tout le monde essaie de suivre le courant. La vague. Ouais, la vague. Tout à l'heure, on en parlait en off de Izia, par exemple, du dernier album d'Izia, qui au final est un peu plus pop que ce qu'elle a l'habitude de faire, donc du coup ça déçoit. Mais lui, il est jamais sur ce qui se fait à ce moment-là. Il suit son instinct et puis il suit ce qu'il a envie de faire, et voilà, il écoute pas trop, je pense, ce qui se fait à côté. C'est un très gros amateur. Il a une marque personnelle, on reconnaît tout de suite ce qu'il fait, quoi. Il porte les styles de musique, voilà, compétent, complètement. Et ça, ouais, il a gagné, quoi. Voilà. Il a sa couleur, sa marque de fabrique M. Il suit son instinct et son délire, on va dire. C'est un auteur, compositeur, interprète qui marche. La plupart des gens qu'on connaît qui passent à la radio, qui passent sur l'énergie, etc., ce ne sont que des interprètes. C'était assez rare. Ils écrivent eux-mêmes leurs chansons. Et du coup, c'est ça aussi qui fait sa spécificité, c'est que, sachant que c'est lui qui les a écrites, il peut se permettre derrière de s'amuser vraiment avec. Contrairement à d'autres qui le font que, entre guillemets, recopier ce qu'on a écrit pour eux. C'est tout ça. À son honneur. Hein. On a démontré combien il est un grand artiste, quoi, autant dans la technique de la guitare que dans la composition, toutes les paroles qu'il fait. Vraiment, on peut aimer plus ou moins, mais on voit que c'est recherché, quoi. Et puis ça reste en famille, parce que pour cet album, il continue sa collaboration avec sa grande sœur Émilie sur la plupart de ses clips. Ouais. Voilà, c'est elle qui les tourne, quoi. Voilà. Et tourne ta page de notes. Vous le voyez pas, mais il a 25 pages de notes, c'est impressionnant. Là, il a vraiment fait un gros boulot pour cet épisode. Ah ben ouais, parce que franchement, ça me tenait à cœur. Mm-hmm. C'est une famille que j'apprécie parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui est assez mélomane et qui m'a fait découvrir Louis Chédid quand j'étais jeune. Et du coup, ça a découlé pour Mathieu Chédid et puis le reste, quoi, voilà. Par découlage, on dit. Par découlage. Mais vous voyez l'expression que vous voulez. Non, l'expression actuelle, c'est ruissellement. Par ruissellement. C'est les politiques aussi qui nous disent ça, que ouais. Le capitalisme, c'est bien par ruissellement. Au final, si les riches sont riches, les pauvres sont riches. Par ruissellement. Cool. Voilà. Alors, on va passer aux années 2000. Où il a été tout autant prolifique. En 2003, M réalise une des musiques de film, Les Tripettes de Belleville. Est-ce que vous avez vu ce... Oui. Je l'ai pas vu, parce que j'avoue que je détestais le dessin, ça me faisait mal à l'aise, mais je veux bien croire que ce soit un grand film. Alors, moi qui adore le cyclisme, j'adore ce film. Ouais. Ouais, franchement, non, mais c'est vrai. Hein. Ben oui, mais, oui, mais d'accord, mais c'est pas un film sur le cyclisme. De quoi ? Les Tripettes de Belleville. Alors, je parle de notre film, alors, sûrement. Ah, peut-être ouais. Putain, j'étais perdu, ouais. c'est un film d'animation, non ? Oui, c'est un film d'animation. C'est avec un cycliste. Avec trois vieilles, non, c'est ça. Oui, trois vieilles. Et le film. Ah, il y a un cycliste aussi ? Il y a un cycliste, oui. Oui, oui, il me semblait, ouais. Il commence, il fait le Tour de France, oui. Eh bien, j'apprendrai à fermer ma bouche. Il y a des super belles images du Tour de France, comme on peut l'imaginer, avec les familles qui mangent. Mangent un pique-nique au bord de la route qui attendent le Tour de France au début du film. Non, je dis pas des conneries. Hein. Voilà. Je n'ai pas imaginé ça. Justement, merci à vous. C'était des choses que j'avais entendues sur des récits familiales d'ici, de la famille Côté France, qui me faisaient vraiment chier. Voilà. Non. C'est un film d'animation qui a eu pas mal de succès, quoi, qui a été bien sympathique. Oui. Donc, oui. En 2003, il était vraiment prolifique parce qu'il fait Les Tripettes de Belleville. Mm-hmm. En même temps, il sort Labo M, un disque expérimental et essentiellement instrumental. Et il sort son troisième album, Qui de nous deux ? Oui. Voilà, wow. Oshka, ça y est, tu l'as. Je les connais très bien. Ça y est, tu l'as, celui-là. C'est horrible parce que tu dis non, comme ça, il me vient en tête tout de suite. Avec sa voix aiguë, là. J'ai dans la tête sa voix aiguë. Tu dirais, oui. Qui de nous deux ? Je ne sais pas le faire, merci. Merci de te jeter dans le bain comme ça. Encore pire, j'ai pu monter les paris parce qu'à l'époque, j'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique, vraiment les matins et même la nuit. Mm-hmm. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, cet album-là, il est percé dans l'hôpital. Et tu écoutais Qui de nous deux, avec la voix aiguë, tout le monde, en fait. Patients, travailleurs, etc. Des gars, des gros gabarits, des mètres sur des mètres, en train de chanter Qui de nous deux. À plein voix, et ça mettait la pêche finalement. Et, Et du coup, t'étais patient ou tu travaillais le... Les deux. Il y avait un contrat un peu spécial. Les matins, j'étais internet, les soirs, j'étais libre. Bah écoute, et ce troisième album, Pudou, a été marqué par la naissance de sa fille Billy, pour qui a été créé par le luthier Cyril Guérin, une guitare spéciale toute rose. Vous la voyez, cette guitare toute rose? Oui, je suis pas sûr. On l'a vu sur les vidéos, ouais. Ouais, sur les vidéos et tout ça. Je suis pas fan de rose, mais ça complétait bien les personnages. Voilà. D'où le soldat rose plus tard, peut-être? De quoi? D'où le soldat rose plus tard? Non, parce que... Le soldat rose, c'était avant, ma matinée. Ah, c'était avant, le soldat rose? Non, non, non, non, c'est après. Non, non, non, non, le soldat rose, c'est après. C'est après, mais rien à voir. Le soldat rose, c'est après. Il a une guitare rose. Il se fait faire une guitare rose. Et le soldat rose après, avec une guitare rose. Alors voilà, cette guitare rose, elle va être sur sa tournée pour cet album de King 2. Ça va être un gros élément de décor. Moi, j'ai vu ce concert-là, ce live-là. Tu auras la guitare, c'est une guitare acoustique, hein, rose. Énorme, sur le fond de scène, au mitard, comme on dit, au centre, quoi. Au mitard, on dit le centre Ouais, on dit au mitard. D'accord, je ne savais pas. Et il joue une guitare électro-acoustique, rose, comme ça. Okay. C'est la fameuse qui a été créée suite à la naissance de sa fille. Imagine le nombre de gueules que Sid Vicious aurait pu éclater avec cette guitare. Voilà. S'il avait eu ça entre les mains, les mecs au premier rang, eh bien, je peux te dire qu'il serait... Ouais, bon, une guitare électro-acoustique, c'est pas hyper dur, donc ça peut être facile, hein, mais bon. En 2004, Manu Chédid participe au DVD Les Leçons de Musique de M, créé et réalisé par sa sœur Émilie Chédid, et il décortique 5 chansons de son répertoire à la guitare, à la basse et à la batterie. Il récolte une victoire de la musique pour ce DVD. Oui. D'accord, parce que généralement, bon, les multi-instrumentistes comme ça, basse-guitare, parce que c'est quand même des instruments assez, assez proches, piano, violon, pourquoi pas. C'est vrai que la batterie, truc rythmique, ben ça, c'est rare de les voir jouer, aller sur de la rythmique comme ça. Eh ben si. Il est aussi batteur, donc, quoi. Donc ce mec est vraiment énervant, quoi. Ah ouais, c'est très bien. C'est une machine de guerre. On pense au château, hein. On pense au mec plus... énervant, quoi. Très bien. Le mec qui pète. Donc là, artiste. 2003, King Nous 2, et 6 ans plus tard, il nous sort l'album Mister Mister, d'accord. Voilà, parce qu'il faut bien le prononcer pour pas se voir. Voilà. Tu peux le tenter en anglais si tu veux. Mister Mister. Obligé, mais c'est très bien. Voilà, cet album contient un DVD réalisé par Mathieu et Émilie Chédid. Émilie est toujours là, vous voyez, pour la réalisation, illustrant chaque chanson et dont les images ont été tournées par Mathieu lui-même. D'accord. Voilà. M change la formation qu'il a toujours accompagnée au profit de sa sœur Anna, de son frère Joseph et de nouveaux venus comme Élise Blanchard et Pierre Cohen. Est-ce que tu saurais nous dire dans quel instrument chacun? Alors, on parle de live ou on parle du CD? On parle pour la tournée en live. La tournée, voilà. Et alors, Anna est plutôt clavier. D'accord. Et basse et batterie plus tard. Évidemment. Vous verrez quand je vous en parlerai. Famille Hervante, donc. Et son frère Joseph, guitare. Très bien. Voilà. On passe aux années 2010 où il collabore avec Johnny Hallyday. Pour laquelle il réalise l'album Jamais Seul et la chanson éponyme. Il écrit et compose la plupart des titres de l'album qui sont en 2011. Et vous verrez que son frère Joseph participe aussi à l'écriture de cet album. D'accord. Quand je parlais de Joseph. L'album de Johnny. Hein, D'accord. Attends, j'ai pas compris. Il a écrit l'album de Johnny? Ouais. Okay. En 2010, il collabore avec Johnny Hallyday pour lequel il réalise l'album Jamais Seul et la chanson éponyme. Alors, j'ai juste une question, vite fait comme ça. C'est qui Johnny Hallyday? Ah c'est le papa du rock français! Qui est belge, pour le coup. Oui. Qui est belge, en plus. Ouais, en plus. Les frites. Voilà. C'est ça. Les donc, french fries. Les références de d'Oshka. Désolé, je suis étranger. En 2012, Mathieu Chédid annonce la publication de son 5e album en studio, ainsi que la sortie d'un premier single, Mojo, disponible dès le lundi 3 septembre 2012. C'est en 2012, ça? 2012. J'ai l'impression que c'était vachement plus longtemps. Eh ben, écoute, apparemment, tu t'en rappelles pas bien, alors je pense qu'on va l'écouter pour te rapprocher la mémoire. J'ai trouvé une petite version live. Ah, ben, sortie encore en 2019 sur l'album live. Ah, les feux. Et on s'écoute ça, Mojo. Ouais. En live, Mojo. Mojo. Mojo. Oh, Ah ben là oui, un petit solo heavy. Heavy sur du M, ça fait plaisir à entendre. C'est pas un excellent heavy, guitariste. Dirais, ah, bah, heavy, 100% ça. Rock. Franchement, l'épée que j'ai retenue sur Matichedi, dite M, c'est ce côté Hendrixian, vraiment avec ses capacités de faire. Ouais. De transcender la guitare. Ouais. Et alors, cet album-là, qui s'appelle Hill, hein, qu'il a sorti en novembre 2012, bah, il a confié le visuel du clip Mojo. Ça, non, justement, à sa cousine. Là, là. Évidemment. Je vous ai parlé au tout début de la sœur de Louis Chédid. Il s'est marié avec elle, du coup, sa cousine ou... Non, alors, mais non, non, non. Ah, mais c'est pas du rock alors aussi. Non, non, pas quand même. Mais donc, on sait que tous les papas du rock, bah, ils se marient avec leur cousine de 13 ans. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, il va falloir écouter l'émission précédente. C'est parce ça. Que c'était l'émission précédente. Merci Jerry Louis. La toute fin de l'émission précédente, mais bon, si c'est la fin, autant écouter toute l'émission. Écoutez tout. Pour comprendre cette blague. Non, non, non, il ne s'est pas marié avec, mais il a juste confié le visuel et le clip du titre Mojo qu'on vient d'entendre. Et la pochette de l'album a été dessinée par sa fille Billie Chédid. D'accord. Voilà, nous, là, ça y est, vous avez suivi la connexion. La saga continue en fait. La saga continue. Et là, quel âge la fille est là ? Ouf, alors là. C'est né en 2003, ça ? La guitare était faite en 2003. Ouais, 2003, ouais, c'est ça. Elle a 9 ans du coup. Là, 2012. 9 ans. Elle a, c'est ça, bien Mathilde. Ah ben wow. Écoute, mathématiques, tout ça. Voilà. Monsieur Gontran, 3e B. Pour la tournée de cet album, sa sœur Émilie, encore elle, a participé à la scénographie scénique avec James Thierry, si j'écorche pas trop son nom. Pas voilà. Sûr de toi. Non, c'est pas évident à dire. Voilà. Et là, suit en 2014 un projet familial, la famille Chédid, où Louis, Émilie, Mathieu, Joseph et Anna vont partir en tournée, reprendre les chansons des uns des autres. C'est-à-dire que par exemple, Louis va chanter une chanson d'Anna, Anna va chanter une chanson de Mathieu, Mathieu va chanter une chanson de Joseph. Ils vont réarranger ça, réinterpréter ça. Et ils partent pour une tournée de 30 dates, dont plusieurs Olympia. Et au cours de cette tournée, des titres des 4 artistes sont interprétés et réarrangés collectivement. Des 4 donc, tous sauf Émilie qui elle est très plutôt dans le visuel. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as Louis, Mathieu, Anna et Joseph. D'accord. Et, voilà. Et Émilie, qui j'imagine n'est pas loin et qui va. Qui a évidemment capté voilà, évidemment. Ce moment. Et alors, est-ce que ça rend bien ? Parce que je trouve que ce genre de projet, ça fait quand même plus. On dirait que ça leur fait plaisir à eux plus que ça pourrait faire plaisir au public. Enfin, moi, je sais que. Ça donne envie d'y aller, mais ça peut être décevant. Mais c'est ça, c'est-à-dire que. Est-ce que j'ai envie d'écouter du Mathieu Chédid fait par son père. Ouais, fait par son père ou ça. Je me dis que c'est plus en fait quelque chose qui. Tu vois, un délire entre eux qui. Mais ça leur fait plus plaisir à eux que. Ah, je sais pas ce que ça a donné. Eh bien, moi, j'ai juste fait des recherches. Je vais te dire ce que j'ai trouvé. Comme pour tout, il y a des avis différents. Il y en a qui ont. Adoré, qui ont vraiment apprécié parce qu'ils ont découvert, ils ont aimé le mélange des univers de l'un dans l'autre et tout ça. Ils ont aimé ce partage, ces réarrangements. Il y en a qui ont détesté. Mais vraiment, il y avait des commentaires très virulents, j'allais dire sales, tu vois. Ouais. Voilà, c'est comme pour tout, hein, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, quoi, voilà. Mais après, moi je pense surtout en plus quand c'est en famille comme ça, dans les familles d'artistes, c'est très clivant en général, c'est-à-dire que les gens, tout à l'heure quand tu m'as dit ton sujet, je disais, c'est beaucoup plus facile quand t'es fils d'artiste de percer, donc il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non, donc du coup déjà ça crée une polémique de suite quand il y a une famille d'artistes, et donc du coup, je pense que c'est très clivant. Il y en a qui vont être ultra fans sans écouter, ils vont dire oui, c'est génial, et d'autres qui vont pas du tout aimer. Et je pense que la vie est déjà tranchée avant d'écouter, je pense. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Non, oui. Moi, par exemple, j'ai découvert Louis Chédid quand j'étais jeune et par mes parents, j'aimais bien, mais sans plus, tu vois, j'étais pas fan. Mm-hmm. Et quand j'ai découvert Mathieu Chédid, sachant très bien que c'était le fils de Louis Chédid, j'ai su faire la part des choses et j'ai kiffé ce qu'il proposait lui. Et pas en tant que fils d'eux, mais en tant que juste Mathieu, M, artiste qui propose quelque chose. Et justement, on n'a pas beaucoup de temps pour finir, donc on va peut-être passer vite fait sur les frères et sœurs de M. Est-ce que leur univers ressemble autant à celui de leur père ou à celui de M, autant que celui de M ressemble à son père ? Alors, je vais être honnête, j'ai pas T'as pas écouté? J'ai pas eu le temps d'écouter. Ça m'a demandé beaucoup plus de recherche et de temps que ce que je pensais, et j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Mais du coup, on laissera les auditeurs se faire leur propre avis. Est-ce que tu peux nous citer peut-être, est-ce que c'est vraiment leur nom qu'il faut chercher? Donc, c'est alors, Anna et Joseph. Et c'est Anna et Joseph, mais Joseph se sert surtout de son second prénom, c'est Selim. Et Anna a fait une espèce d'anagramme, non, je sais plus comment on dit, bref, elle s'appelle Anna Chedid, elle a pris les deux dernières lettres de son prénom, Na, et les deux premières lettres de son nom de famille, et du coup son nom d'artiste est Nash. Ok. Ah, je croyais qu'elle avait rajouté gramme après Anna, en fait. Anna, gramme, non. un peu lent l'émission, là, je commence à fatiguer. Et donc du coup, donc ils se réunissent pour faire cette ce concert, cette tournée plutôt. Cette tournée, oui. Ce projet, cette tournée, il y a un DVD à la clé qui a été réalisé par donc la sœur aînée Émilie, qui a eu un certain succès, franchement, qui a bien marché, voilà. Et après M, lui, a continué, il a sorti d'autres albums et tout ça. Où est-ce qu'il est né aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour M? Écoute, en 2002, il a sorti un album qui s'appelle Révalité, un jeu de mots entre rêve et réalité, voilà, d'accord. Il a continué, il a plein de projets, il n'arrête pas. C'est une machine à produire, à créer, voilà. Et là, en attendant, il faut voir la suite, quoi, ce qui arrive. Une petite parenthèse, c'est que... il a eu énormément de distinctions. Il a 33 victoires de la musique en 2018. Le chanteur le plus primé de l'histoire de cette récompense, avec 13 trophées et records, qu'il partage ensuite avec Alain Bashung, qui en a obtenu 12. Voilà. 33 victoires de la musique, s'il te plaît. Rien que ça. Et il n'a pas que les victoires de la musique. Hein. Il en a d'autres. Il a des Césars. Il a 4 récompenses cinématographiques, dont un César. D'accord, pour la musique, j'imagine, pour, par exemple, on en parlait tout à l'heure. César de la meilleure musique pour Ne le dit à personne. Ah oui, bien le film de Guillaume Canet. Oui, voilà, sais. S'il te plaît. Bande originale aussi pour Les Tripettes de Belleville, voilà. Et il a d'autres récompenses. J'ai vu des trucs, mais c'est incroyable, quoi. Ça arrête jamais, quoi. Ben, c'est ça, quoi. Quand tu vois 7 albums studio, 6 albums live, 7 albums divers, instrumentaux et collectifs, 2 albums de compilation, 8 bandes originales de films, tu te dis, mais le mec s'arrête quand? Et on est qu'en 2022, il a qu'une cinquantaine d'années, donc il a du temps devant lui, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a 4 DVD live, 6 DVD documentaires, des singles et des clips. Il en a une collection. 4 DVD live pour 7 CD studio. 7 CD studio. Ouais. Ce qui, quand même, est énorme par rapport à le ratio est énorme, parce que certainement, toi qui l'as vu en concert, vous l'avez pas vu en concert ou les autres? Non, pas moi, non. Moi, je l'ai pas vu non plus, mais je me souviens d'une soirée où la mère d'une amie m'a raconté pendant 20 minutes à quel point c'était incroyable en concert. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai vu 2 de ces tournées différentes. D'accord. Et les deux, ça n'avait rien à voir l'une de l'autre, mais les deux étaient fantastiques, bluffantes. Un son incroyable, un jeu scénique incroyable, tout était génial, quoi. Tu repartais de là, tu t'ennuyais pas du début à la fin, et tu repartais de là avec des paillettes dans les yeux et les oreilles enchantées, quoi. Ouais. Voilà. Ça m'étonne pas, j'ai connu aussi des gens qui l'ont bien connu dans les lives, etc. Et au-delà de son talent indiscutable dans la musique, il est capable de se réinventer, de faire des choses différentes à chaque fois. Et maintenant, grâce à Seb qu'on écoute, d'où il vient, on comprend mieux comment il est capable de toucher à toute la culture, en fait. Et puis les gens avec lesquels il s'entoure, parce que là, j'ai pas eu le temps de vous les énumérer, mais... à chaque fois qu'il faisait une tournée live, il avait des musiciens. Au début, il y avait donc Vincent Segal et Cyril Atef de Buncello, mais après il a changé, donc il y a eu son frère et sa soeur, il y a d'autres instrumentistes. D'ailleurs, je me rappelle que je l'ai vu 3 fois, mais en fait j'avais oublié, au festival Emmaüs à Pau, où il était dans une configuration beaucoup plus électro, avec la, je sais plus le nom qu'il donnait, la brabasse ou je sais pas quoi. Le mec, il avait une basse où il avait intégré un synthétiseur, intro ou quoi, voilà. Il y avait juste un batteur, c'était un trio. Ça, c'est cool, ça j'aime bien. Et là, justement, ce concert, j'étais un peu déçu parce que le son était trop. Était un peu mal mixé. Et c'était un peu trop saturé. La grosse caisse, elle faisait voilà, parce qu'il cherchait un son électro, il y avait trop. Okay. Voilà. Mais par contre, l'énergie y était, le délire. Et c'était son délire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il était dans les clips où il avait ses lunettes M comme ça, à LED, qui lumineuses. Ça vous dit rien dans les clips? Oui, oui, moi je vois très bien. Ouais, voilà. Et ouais, c'était génial à chaque fois, quoi, parce que lui est un musicien et un artiste tellement complet, tellement bon, que t'es pas déçu, quoi, jamais. Messieurs, on va se quitter là, ça fait déjà une heure à peu près qu'on est ensemble. Voilà, vous avez eu un aperçu de la famille Chedid qui n'est pas complet. Rendez-vous compte, ça fait une heure qu'on en parle, mais c'est vraiment pas complet. Si vous voulez en savoir plus, bah, Wikipédia bien renseigné. De nos jours, vraiment, faut pas hésiter. Et puis ça va vous donner des liens vers beaucoup de chansons à écouter, etc. Voilà, on va se quitter là. Merci beaucoup, Seb. Avec plaisir. Pour nous avoir préparé tout ça. Et nous, on va se réunir, je ne sais pas trop quand, parce que dans nos semaines, il y aura évidemment une nouvelle émission de la boîte à gants, mais je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Peut-être une interview, peut-être autre chose, on verra. Nous, on se réunira de toute façon un de ces jours, bientôt, je pense. Et voilà, messieurs, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.